Exercice 7, page 156. Virelangue. Sacha sèche ses chaussons chez Samson. Sacha sèche ses chaussons chez Samson. Sacha sèche ses chaussons chez Samson.